Ah, quel beau chant. C'est un de mes chants préférés, ça. Si vous voulez bien, on va se courber dans un mot de prière avant de commencer. Mon Père du ciel, on te demande de nous guider dans ce message, de nous aider à bien comprendre ce que tu as à nous dire. Et on te demande que tu sois glorifié, qu'on puisse te glorifier dans nos vies. Amen. Donc, ce matin, nous sommes de nouveau dans l'Épître aux Romains pour regarder l'étude de la parole de Dieu, les 7 premiers versets, c'est-à-dire l'introduction. Et nous passons un peu plus de temps, je l'admets, dans ces 7 premiers versets, parce que je pense qu'ils donnent le ton à tout le reste de l'Épître, tout le reste des chapitres. Donc, lisons ensemble chapitre 1, versets 1 à 7. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son Fils, né de la postérité de David selon la chair, et déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, à tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Si vous remarquez bien, dans ces 7 versets-là, ce n'est qu'une seule phrase. Il y a des virgules partout et un point d'exclamation à la fin. Une seule phrase et Paul est célèbre pour ça. Il commence par Paul au verset 1, à tous ceux qui, à Rome, au verset 7, et entre les deux, il met un bon résumé de tout ce qu'est l'Évangile. Et ce matin, nous allons terminer notre introduction, justement, sur ces 7 versets. Je vous raconte d'abord une histoire. Il y avait un homme extrêmement riche qui possédait de vastes trésors en or, en œuvres d'art, c'est-à-dire des tableaux, des sculptures. L'homme avait un fils qui était un garçon très ordinaire, qui passait son adolescence dans l'obscurité. Il avait peu d'influence sur personne. Il atteint un certain âge et il mourut de façon plutôt inattendue comme jeune homme. Le père, bien sûr, le pleura grandement. Et quelques mois plus tard, il mourut lui aussi. Et il laissa cette richesse incroyable reliée à l'art, au trésor de l'art, aux œuvres d'art, pardon. Il laissa également un testament dans lequel il indiquait que tout devait être mis aux enchères, vendu aux enchères. Et curieusement, dans son testament, le père stipulait qu'une certaine peinture devait être vendue la première. Alors, c'était un tableau de son fils, fait par un artiste que personne ne connaissait vraiment. Alors, réuni devant la grande foule, lorsque la grande foule s'est réunie, l'encanteur présenta, première des choses, dirigea l'offre d'achat sur le tableau du fils. Personne ne connaissait le garçon, personne ne connaissait le peintre, et personne ne s'intéressait vraiment au garçon. De sorte que ça a pris beaucoup de temps avant que quelqu'un puisse miser sur le tableau. Finalement, un vieil homme qui avait été serviteur dans la maison du père et qui aimait bien le fils, fit une offre sur le tableau, une offre de 1 $. Il disait qu'à ce moment-là de sa vie, c'est tout ce qu'il pouvait se permettre, mais qu'il aimait bien le fils. Et il n'y eut aucune autre offre, et le serviteur fut en mesure d'acheter la peinture, le tableau, pour la somme de 1 $. Ensuite vient le moment bouleversant, le moment dramatique, où on fit la lecture de la deuxième partie du testament. Il y était écrit « Tout le reste du trésor doit aller à celui qui aura aimé mon fils assez longtemps et assez fort pour acheter son portrait. » Frères et sœurs, Il n'existe aucun moyen pour nous de comprendre toutes les richesses que Dieu a prévues pour ceux qui aiment son Fils. Aucun moyen, parce qu'elles sont infinies. Les richesses de Dieu sont infinies. Jésus a dit, « Le royaume des cieux est semblable à un trésor. » Dans Matthieu 13, la Bible dit que ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, et qui ne sont point montés au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées d'avance pour ceux qui l'aiment. Dans 1 Corinthiens chapitre 2. Et c'est ça la bonne nouvelle. Ça fait partie des bonnes nouvelles, ça. Que si nous aimons le Fils, nous héritons de toutes les richesses du Père. En Christ, nous avons des trésors au-delà de l'imagination. La Bible dit que si nous aimons le Fils, nous aurons une demeure qui ne nous sera jamais enlevée. Nous aurons une vie qui ne finira jamais. Nous aurons une source d'eau qui ne cessera jamais de jaillir en nous. Nous aurons un cadeau qui ne nous sera jamais enlevé. Nous aurons une main dans laquelle les ressources ne s'épuiseront jamais. Nous aurons un amour dont on ne pourra jamais nous séparer. Nous aurons un appel qui ne sera jamais révoqué. Nous aurons une fondation qui ne sera jamais détruite et un héritage qui ne sera jamais, jamais, jamais épuisé ni jamais effacé. C'est ça la bonne nouvelle, frères et sœurs. Et ce message de l'Épître aux Romains est que Dieu a de bonnes nouvelles pour ceux qui aiment son Fils. Aimez-vous le Fils de Dieu? Aimez-vous Jésus? Nous avons vu qu'il y a 7 éléments à cette bonne nouvelle. Concernant la bonne nouvelle. Première des choses, il est le prédicateur de la bonne nouvelle, la promesse de la bonne nouvelle, la personne de la bonne nouvelle, l'héritage de la bonne nouvelle, l'annonce de la bonne nouvelle, les privilèges de la bonne nouvelle et le but de la bonne nouvelle. Permettez-moi de vous résumer les 3 premiers que nous avons vus déjà. Tout d'abord, le prédicateur de la bonne nouvelle nous est présenté au verset 1. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu. Et là, nous avons rencontré le prédicateur de la bonne nouvelle. Et ça nous rappelle une réalité très importante, que Dieu a choisi des hommes comme instrument pour porter sa bonne nouvelle. Paul, un homme comme nous, un serviteur de Jésus-Christ, un apôtre, séparé pour l'Évangile de Dieu. Ce qui souligne que Dieu a choisi d'utiliser l'action humaine pour porter son message. Dieu a choisi d'utiliser les hommes et les femmes pour proclamer sa bonne nouvelle. En fait, Dieu nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 21, que Dieu a choisi la folie de la prédication pour proclamer son message. Ainsi, la foi ne vient pas de la sagesse humaine, mais elle se repose uniquement sur la puissance de Dieu, qui agit à travers la faiblesse humaine, la faiblesse des hommes. Le peuple de Dieu est encore aujourd'hui son instrument. Nous sommes encore aujourd'hui l'instrument de Dieu. Jésus nous a commandé d'aller par tout le monde et de prêcher la bonne nouvelle à toute la création, Marc 16. Donc le premier point, le prédicateur, un instrument de Dieu. Deuxième point, nous avons examiné la promesse de la bonne nouvelle. Verset 2, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. La bonne nouvelle avait été promise dans l'Ancien Testament. C'est pourquoi dans Matthieu chapitre 5, verset 17, Jésus a dit, « Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi et les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour l'accomplir. » C'est ce qu'on a vu. Je suis venu pour remplir la promesse, pour l'amener à son accomplissement, pour l'amener à bien, pour l'amener à sa plénitude. Le Nouveau Testament est la parole de Dieu qui accomplit l'Ancien Testament, qui accomplit la promesse. Donc, la bonne nouvelle passe par un prédicateur humain. Et la bonne nouvelle est fondée sur les promesses de l'Ancien Testament. Et troisième point que nous avons vu également, il y a le prédicateur. Il y a la promesse et il y a la personne de la bonne nouvelle. Qui est l'objet de la bonne nouvelle? Verset 3. Et qui concerne son Fils né de la postérité de David, selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. La personne de la bonne nouvelle, c'est Jésus. C'est ce que vous faites avec le Fils de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, qui détermine si vous héritez des richesses du Père. Il y a dans ces deux versets, le verset 3 et le verset 4, une merveilleuse présentation de Jésus-Christ. Nous voyons au verset 3 son humanité, née de la postérité de David selon la chair. Jésus était véritablement un être humain. Nous voyons sa divinité au verset 4, « et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ le Seigneur, notre Seigneur. » Donc, nous voyons d'un côté son humanité, et nous voyons d'un autre côté sa divinité. Il devait être un homme pour prendre la place d'un homme, pour souffrir en tant qu'homme, pour recevoir la colère de Dieu. Ça devait être un homme. Il devait être Dieu pour vaincre le péché, la mort, pour vaincre l'enfer, pour vaincre Satan. Jésus a toujours été Dieu, mes amis. Il s'est révélé comme un fils dans son incarnation. Il a été déclaré fils de Dieu dans sa résurrection. La plus grande affirmation qui prouve que ce que Jésus a dit était vrai, c'est sa résurrection, c'est que Dieu l'a ressuscité des morts. C'est précisément ce que la Bible enseigne. Jésus était pleinement homme et pleinement Dieu. Jésus est la bonne nouvelle, frères et sœurs. Regardons quelques textes qui illustrent cette vérité. Pleinement homme, pleinement Dieu. Écoutez Matthieu, chapitre 17, verset 24. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient les deux drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dirent, « Votre maître ne paie-t-il pas les deux drachmes ?»« Oui, dit-il. » Très intéressant, n'est-ce pas? Jésus a payé des taxes. Jésus a payé des taxes. Pensez à ça dans les prochaines semaines. Jésus a payé des taxes. Ça vous montre que Jésus était un homme, comme nous. Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint et dit, « Que t'en semble, Simon, les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des tribus et des impôts? De leurs fils ou des étrangers? » Il lui dit, « Des étrangers. » Et Jésus lui répondit, « Les fils en sont donc exempts. » En d'autres termes, il dit, « Nous, nous ne faisons pas partie du système. Ils taxent les leurs et nous ne sommes pas de ce monde. Mais néanmoins, pour ne pas les offenser, nous allons payer nos impôts comme tout le monde. » Et puis il dit ceci, « Mais pour ne pas les scandaliser, c'est le texte, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra, ouvre-lui la bouche et tu trouveras un stratère. Prends-le et donne-le. Donne-le-leur pour moi et pour toi. » Attendez une minute, là. C'est une chose, c'est extraordinaire, c'est une chose de payer les taxes, mais c'est une chose d'aller chercher l'argent, de trouver l'argent, de pourvoir. Donc, on voit ici une parfaite illustration de son humanité, de sa divinité. D'un, il doit payer des impôts comme vous et moi, il est un homme. Mais sa façon de pourvoir est absolument surnaturelle. Et là, on voit sa divinité. Un autre texte, Marc, chapitre 4, verset 35. « Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons à l'autre bord. » Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon et les flots qui se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Vous savez aussi bien que moi que c'est bien lorsque le bateau est dans l'eau, que le bateau est sur l'eau, mais est-ce que ça va moins bien lorsque l'eau rentre dans le bateau? Verset 38 nous dit, « Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. » C'est ça son humanité. Il était fatigué. La foule était constamment après lui. Elle lui marchait littéralement sur les pieds, sur ses pas. Elle voulait être guérie, elle voulait être nourrie, elle voulait entendre la parole de Dieu, elle avait soif. Il était fatigué, on voit son humanité, il dormait. Et je peux comprendre, même dans la tempête, j'ai travaillé sur les bateaux, j'ai vécu sur les bateaux, une certaine partie de ma vie, et je peux comprendre que oui, dormir dans une tempête, c'est possible, il n'y a pas de problème avec ça. S'étant réveillé, il menaça le vent, et il dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa, il y eut un grand calme. Et là, on voit sa divinité. D'une part, son humanité, parce qu'il est fatigué, et d'une part, il apaise la tempête instantanément. Et là, on voit sa divinité. Donc, on voit tout au long de sa vie cet heureux mariage, cette dualité, qu'il est pleinement homme et qu'il est pleinement Dieu. Maintenant, nous allons au quatrième point. L'héritage de la bonne nouvelle. L'héritage. Si vous aimez le Fils, qu'est-ce qui se passe? Si vous recevez la bonne nouvelle, qu'est-ce qui se passe? Deux choses ressortent premièrement du trésor que Dieu nous a donné. Le verset 5 nous dit « Par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat? » Qu'est-ce que la bonne nouvelle nous donne? De quel trésor héritons-nous si nous aimons le Fils? Premièrement, la grâce. Deuxièmement, l'apostolat. Premièrement, la conversion. Deuxièmement, la vocation. Premièrement, nous sommes appelés. Deuxièmement, nous sommes envoyés. Donc, premièrement, regardons la grâce. Qu'est-ce que la grâce? Sinon, une faveur imméritée, une faveur non méritée, non gagnée, non acquise par nos propres moyens. La bonne nouvelle est que le salut s'obtient par la grâce, mes amis. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9, versets que vous connaissez bien. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que quoi? Personne ne se glorifie. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Dieu nous accorde sa grâce, frères et sœurs, une faveur que nous ne méritons pas. Sa bonne volonté, sa miséricorde, la bonté de Dieu nous accorde le don de la grâce. Et tout ce que nous faisons, nous y répondons par la foi. Et même la foi, la Bible nous dit que c'est un don qu'elle nous est donné, qu'elle nous est accordé, qu'on ne la mérite pas, qu'on ne peut pas l'acheter. Il n'y a pas de place pour l'auto-félicitation. Il n'y a pas de place pour la gloire humaine. Aucune place pour la performance humaine. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Nous croyons et Dieu est gracieux. Ou plutôt, Dieu est gracieux, nous croyons et Dieu continue d'être gracieux. La grâce sans cause, la bonté sans aucun mérite de notre part. Ainsi, le salut ne s'obtient pas par le baptême. Le salut ne s'obtient pas par la communion. Le salut ne s'obtient pas par la confirmation. Le salut ne s'obtient pas par la fréquentation d'une église, une telle. Le salut ne s'obtient pas par l'appartenance d'une église ou une autre. Le salut ne s'obtient pas en essayant de garder les 10 commandements ou en essayant de vivre le sermon sur la montagne. Le salut ne s'obtient pas non plus en donnant la charité. Le salut ne vient pas en croyant qu'il y a un Dieu ou en croyant qu'il y a un Christ. Il ne vient pas simplement en étant moral, en menant une bonne vie ou en étant respectable. Le salut ne vient pas non plus en prétendant être un chrétien. Le salut vient lorsque nous recevons par la foi le don de Dieu, le don de la grâce. Et vous savez, malheureusement, l'enfer va être rempli de gens qui croient obtenir le salut, la grâce de Dieu, par la liste que je viens de nommer. Paul dit, nous recevons la grâce, nous ne la méritons pas. C'est le premier héritage, vous n'avez pas à le gagner, et vous ne pourriez pas, même si vous le vouliez. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Romains chapitre 3, verset 20. Le docteur Barnhart a dit ceci. L'amour qui regarde vers le haut, c'est de l'adoration. L'amour qui regarde vers l'extérieur, c'est de l'affection. Mais l'amour qui s'abaisse, c'est la grâce. Et Dieu s'est abaissé pour nous donner sa grâce que nous ne méritons pas. Et nous allons voir encore plus sur la grâce dans les versets et les chapitres qui vont suivre. Mais je vais m'arrêter là. Mais elle est gratuite et c'est un cadeau. Le premier héritage, la grâce. Le second, l'apostolat. Et suivez-moi bien ici, l'apostolat. Paul commence par lui-même, Paul. Et au moment où est-ce qu'il arrive au verset 5, il utilise le mot « nous ». Nous avons reçu la grâce et je pense qu'il inclut la communauté de tous les croyants lorsqu'il dit ça. Nous avons reçu la grâce. Je sais que Paul voit dans ce « nous » les apôtres et les gens qui l'ont suivi aussi. Mais il est également possible que Paul utilise le mot « apostolat » dans son sens plus large. Et je vais mettre l'emphase là-dessus, son sens plus large. L'Évangile nous apporte non seulement la grâce du salut, mais également la tâche de l'apostolat. Apostolat signifie d'être envoyé. On a vu ça précédemment. Un apôtre, c'est un envoyé. Apostolat, c'est être envoyé. Un envoyé. Nous sommes appelés et sauvés pour être envoyés afin d'atteindre les autres. Je crois que Paul pensait à plus large que simplement les 12 apôtres lorsqu'il parle du « nous » au verset 5. Mais je pense également qu'il dit que chacun d'entre nous est englobé dans ses envoyés. Saviez-vous que dans Hébreux, chapitre 3, verset 1, Jésus est appelé un apôtre? Eh oui. Pourquoi? Parce qu'il a été envoyé par le Père. Il a été envoyé. Donc, dans son sens élargi, je crois que le terme apostolat se réfère à chaque messager de l'Évangile. Le commentateur William Hendrickson est d'accord avec cette interprétation. Il dit, « Toute personne qui est sur une mission spirituelle, toute personne qui, à ce titre, représente l'expéditeur, toute personne qui apporte le message du salut est, dans un sens, un apôtre. » Mais, s'il vous plaît, ne soyons pas confondus, ne soyons pas confus ici, ne nous mélangeons pas. Nous ne sommes pas égaux, nous ne sommes pas égaux aux 12 apôtres. Ils sont uniques pour leur propre temps. Ils ont vu Jésus pendant ces 3 années, ils ont marché avec lui, ils l'ont vu ressusciter, Jésus les a envoyés, ils ont fait les miracles, ils ont écrit une partie du Nouveau Testament, donc nous ne sommes pas égaux dans ce sens-là. Mais lorsque vous lisez les Écritures, on est obligé de s'apercevoir, on voit qu'il y a d'autres mondes qui sont appelés apôtres. Il y a d'autres personnes qui sont appelées apôtres qui ne faisaient pas partie des 12. Un exemple de ça se trouve dans Actes 14, verset 14. Barnabas est appelé un apôtre. Pourtant, il n'était pas un des 12, il n'est certainement pas égal à Paul dans ce sens-là. Certainement pas un apôtre avec un grand A, pas un des 12 officiels, mais il a été envoyé. Il a été envoyé sur une mission de proclamer la vérité au sujet de Jésus-Christ. Et je crois que c'est ce que nous apprenons au sujet de la grâce du salut. Au sujet de la grâce, nous sommes envoyés aussi. On a reçu la grâce et l'apostolat, à être envoyés. Je pense que c'est ce que Paul est en train de nous dire. Romains, chapitre 16, verset 7, nous dit « Saluez Andronicus et Junias. » Les connaissez-vous? Moi, je ne les connais pas. Andronicus et Junias. « Mes parents et mes compagnons de captivité, qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres, et même qui ont été en Christ avant moi. » Donc, le terme ici, « parmi les apôtres », ça veut dire « eux aussi font partie des apôtres, et ils jouissent d'une grande considération parmi les apôtres. » Et ce que je dis ici, c'est que le terme « apostolat », qui signifie « envoyé », dans son sens plus large, nous est également destiné. Nous sommes des envoyés de Jésus. Jésus s'est adressé, à tous les croyants. Et je vous donne une illustration ici pour concrétiser cette vérité-là, pour vous faire comprendre que nous sommes aussi envoyés. Si vous avez déjà fait du sport, joué dans une équipe étant plus jeune, peut-être avez-vous vu cette situation ou peut-être vous l'avez-vous vécu vous-même. Un garçon vient d'essayer de jouer pour une équipe. Et il n'est pas très doué, il n'est pas très bon, il n'a pas beaucoup de capacité pour ce jeu-là. Mais peut-être que son père est mort récemment. Peut-être que c'était un pauvre garçon, ou peut-être simplement qu'il attirait la sympathie. Et de temps à autre, un entraîneur lui permettait de jouer pour l'équipe, de se joindre, à l'équipe. Il lui donnait un uniforme pour lui faire sentir qu'il faisait partie de l'équipe. Mais il ne jouait jamais. Il n'entrait jamais dans le jeu. Et ce que je veux vous dire, c'est que le Seigneur ne fonctionne pas de cette façon. Si vous entrez dans l'équipe, vous allez entrer dans le jeu et vous allez jouer. Vous allez être envoyé. Ça va être la grâce et l'apostolat. À quoi il nous appelle? La grâce et le service. La grâce et le bonheur d'être envoyé. Nous ne sommes pas seulement rachetés, mais rachetés et envoyés. Dieu nous met gracieusement dans son équipe. Et en passant, nous étions tous comme ce garçon qui n'avait pas de capacité, qui ne méritait pas de faire partie de l'équipe. Dieu nous met dans son équipe et il nous utilise. Donc, la bonne nouvelle, frères et sœurs, est que Dieu nous accorde la conversion et la vocation. Le très grand et saint privilège, oui, de servir Jésus-Christ. Il est écrit dans Éphésiens, chapitre 2, verset 10, que nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. On a demandé aux vainqueurs des Jeux olympiques dans l'Antiquité. Il s'appelait Sparte. On lui a dit, « Sparte, que gagneras-tu avec cette victoire? Que gagneras-tu avec cette victoire? » Il a répondu, « Moi, monsieur, j'aurai l'honneur de me battre sur la ligne de front pour mon roi. » Et c'est en plein ça. C'est en plein ça. Chacun d'entre nous est appelé à servir avec toutes ses limites. Je vais aller jusque-là. Avec toutes nos limites, on est appelé à servir le Seigneur. Donc, non seulement nous recevons la grâce de Dieu, mais nous recevons également l'honneur d'être envoyés avec toutes nos limites, avec nos limites humaines. Et je vous donne deux exemples de ça, d'un homme. Le docteur Moody a prononcé un jour un discours à Chicago. À la fin de son discours, un homme très instruit vient lui parler, lui dit ceci. « Monsieur, excusez-moi, mais vous avez fait 11 erreurs de grammaire ce soir dans votre discours. » Et le monsieur Maudit a dit, « Probablement que j'ai fait des erreurs. Vous voyez, mon éducation préscolaire était très limitée et imparfaite. Mais j'utilise toute la grammaire que je connais pour la cause de Christ. Et vous? » C'était la bonne réponse, n'est-ce pas? Un autre jour, un collègue vient parler au docteur Maudit, lui dit, « Je n'aime pas votre façon d'inviter les gens. Je ne pense pas que ce soit la bonne façon de faire un appel. » Et docteur Moody a dit, « Eh bien, vous savez, je suis heureux que vous m'en parliez, parce que je n'ai jamais été à l'aise de faire un appel comme ça. J'ai toujours espéré avoir une meilleure méthode pour appeler les gens à Christ. Quelle est votre méthode à vous? » Et l'homme de répondre, « J'en ai pas. Alors j'aime mieux la mienne, » de répondre le docteur Moody. « J'aime mieux la mienne. » Elle est peut-être imparfaite, mais c'est mieux que rien. Dieu m'utilise, Dieu utilise mes imperfections, parce que c'est lui qui agit à travers moi. Quelles que soient nos limites, frères et sœurs, je crois que Dieu veut que nous ayons non seulement la grâce, mais l'apostolat, c'est-à-dire être envoyé. Nous sommes envoyés par lui. Et oui, je sais que principalement, Paul parle de son apostolat. Je sais qu'il est en train de parler de la grâce de Dieu dans sa vie, mais je pense que c'est beaucoup plus large que ça, n'est-ce pas? Écoutez, qu'est-ce que l'héritage de la bonne nouvelle? C'est la grâce d'être sauvé et l'apostolat de servir. La grâce d'être sauvé et la bénédiction de pouvoir être envoyé de servir. Quatrième point, nous avons vu le prédicateur, la promesse de la bonne nouvelle, la personne de la bonne nouvelle, l'héritage, et nous arrivons, 1, 2, 3, 4, cinquième point, pardon, je crois, la proclamation. Maintenant que nous allons servir, nous sommes envoyés avec un message. Alors, que proclamons-nous? Verset 5, nous proclamons l'obéissance de la foi parmi toutes les nations. Et puis au verset 6, il dit, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui êtes appelés par Jésus-Christ. En d'autres termes, tout comme vous avez été appelés à Christ, nous allons sortir et appeler les autres. La bonne nouvelle au sujet de Jésus-Christ qui nous a apporté, c'est qu'il nous a apporté la grâce et le service pour nous amener à sortir, à proclamer et à appeler les autres nations de la terre à l'obéissance de la foi. C'est toute une déclaration, mes amis, l'obéissance de la foi. Ce verset est rempli d'une grande signification. Et il est répété au chapitre 16, verset 26. Chapitre 16, verset 26 nous dit « Portez à la connaissance de toutes les nations afin qu'elles obéissent à la foi. » L'obéissance de la foi. Écoutez, s'il y a quelque chose à propos de la foi, c'est qu'elle est obéissante, n'est-ce pas? Montrez-moi quelqu'un qui, d'un côté, dit qu'il a la foi, et de l'autre côté, qui vit dans une vie d'obéissance, et je vous montrerai quelqu'un qui n'a pas la foi, qui n'a pas été racheté, qui n'est pas un croyant. Jacques 2,17 nous dit quoi? Nous dit, il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Nous sommes sauvés pour de bonnes œuvres. Grande différence ici. Le message du christianisme, c'est un appel aux gens à être obéissants à la foi. Lorsque vous venez à Christ, vous confessez la foi. Et c'est une déclaration très nette, la foi. Et Jude utilise ce terme-là, il nous dit, la foi a été transmise aux saints une fois pour toutes. Ça signifie le contenu de l'Évangile, le contenu du message. Ça veut dire, comme dans Matthieu, chapitre 28, verset 20, dit « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est l'obéissance que nous prêchons, l'obéissance de la foi. Nous prêchons un message d'obéissance. Et malheureusement, ce n'est pas le message que les gens reçoivent de nos jours. Nous devons appeler les gens à la foi, mais la foi qui est obéissante, c'est la seule véritable foi. Les gens qui disent, qui croient et vivent dans la désobéissance, ils mentent et la vérité n'est point en eux. 1 Jean chapitre 2, verset 4. Peut-être qu'on fait autrement, peut-être qu'on ne dit pas ça autrement, l'obéissance. Ce qu'on dit souvent, c'est il faut que tu crois au Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, comme ton Sauveur et Seigneur. C'est les deux ensemble. Hein? Le Seigneur, c'est au-dessus de nous. Et nous sommes soumis à lui. Nous devons lui obéir. Les gens qui croient vraiment vont obéir. Les gens qui croient vraiment vont obéir. Donc, le but de notre apostolat, le but de l'apostolat de Paul, c'était d'amener toutes les nations à l'obéissance de la foi. La foi, c'est plus que juste croire en Jésus. Hein? C'est la foi. C'est tout ce que la foi incarne. C'est le contenu intégral de la parole de Dieu qui nous est révélée. Maintenant, écoutez bien, ce n'est pas la foi plus l'obéissance qui égale le salut. Non, il s'agit d'une foi obéissante qui égale le salut. La foi est démontrée par l'obéissance. La foi est exprimée dans l'obéissance. C'est pourquoi la Bible dit sans cesse, « Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur. » Et cela demande une soumission obéissante à la Seigneurie de Christ. Il n'y a pas de foi sans obéissance. Il doit y avoir obéissance avec la foi. Parce que la foi est obéissante. L'un ne va pas sans l'autre. Ce n'est pas la foi à moins qu'elle obéisse. Le salut, c'est la soumission, c'est l'affirmation de la Seigneurie de Christ. Si tu confesses de ta bouche, Romains chapitre 10, verset 9 et 10, si tu confesses de ta bouche qui? Le Seigneur Jésus, dont tu confesses sa Seigneurie, tu confesses ta soumission à lui, tu seras sauvé. La foi sans obéissance est une foi qui ne sauvera personne. Ce n'est pas la foi qui sauve. C'est le genre de choses qui trompent et qui déçoivent, mais qui ne sauvent personne. Les gens disent, « Oh, mais j'ai cru en Jésus, moi. Je crois en la Bible. Je me souviens lorsque j'ai marché dans l'allée, lorsque j'ai répondu à l'appel. Je me souviens peut-être lorsque j'ai joué de la musique, lorsque j'ai évangélisé sur le coin des rues, lorsque j'ai passé des traités, lorsque j'ai frappé des portes. J'ai prié avec vous. Vous mettez où aujourd'hui? Est-ce que tu as une foi obéissante maintenant? » Tout cela, ça ne peut pas te sauver, à moins que ta foi soit obéissante. Regardez dans Hébreux chapitre 12, verset 14, nous dit « Recherchez la paix ». Donc, il y a une action ici. « Recherchez la paix avec tous ». Et maintenant, ça nous dit « Et la sanctification ». Recherchez la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Pas de sainteté, pas de salut. Ainsi, la proclamation est d'amener tous les hommes et les femmes à l'obéissance de la foi. À l'obéissance de la foi. Et c'est quelque chose qui est dit au verset 6 que nous devrions rechercher parce que c'est quelque chose que nous avons reçu, nous aussi. Parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. En d'autres termes, vous avez été appelés à cela, maintenant vous devez appeler les autres à l'obéissance, à faire la même chose que vous. C'est une grande déclaration, verset 6. Vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, nous avons été attirés par Jésus-Christ, nous sommes sortis de la désobéissance pour l'obéissance, de l'incrédulité vers la foi. Et ce qu'il dit, parce que c'est ce qui nous est arrivé et que nous faisons partie de ceux qui avons obéi, qui avons reçu la grâce, nous devons nous aussi porter le message de Christ aux autres. Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement, dans Marc chapitre 10, verset 8. Donc, nous avons vu le prédicateur de la bonne nouvelle, la promesse de la bonne nouvelle, la personne de la bonne nouvelle, l'héritage de la bonne nouvelle et la proclamation de la bonne nouvelle. C'est une proclamation d'obéissance, n'oubliez jamais ça. Je vais terminer avec les deux derniers points maintenant. Sixième point, les privilèges de la bonne nouvelle. Les privilèges. Regardez au verset 7. À tous ceux qui sont à Rome, à tous ceux qui à Rome. Et on peut étendre ça à tous les croyants. Au moment où est-ce que Paul écrit la lettre, c'est aux Romains. Maintenant, c'est à nous. C'est à tous les croyants. Paul leur donne deux merveilleuses vérités au sujet de leurs privilèges. Tout d'abord, quoi? Ils sont bien-aimés de Dieu. Et deuxièmement, ils sont appelés saints. Il y a deux choses ici, bien-aimé de Dieu et appelé saint. Ce sont les privilèges de la bonne nouvelle. Qu'est-ce que ça signifie d'être bien-aimé de Dieu? Eh bien, ça signifie simplement d'être aimé de Dieu. Et c'est raconté dans toute l'Écriture que Dieu nous a aimés. Il a déversé son amour sur nous. Dans le chapitre 2 d'Éphésiens, verset 4, un verset que j'aime beaucoup. Mais Dieu qui est riche en bonté, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie avec Christ. Il nous a aimés, frères et sœurs, alors que nous étions morts, loin de lui, Dieu nous a aimés. Si Dieu peut nous aimer, c'est parce qu'il nous aime en son Fils, à cause de son Fils, grâce à Jésus. Romains chapitre 5, verset 5, nous dit que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs. Romains chapitre 8, verset 35 à 38, ça nous dit que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Rien. Donc, le privilège de la bonne nouvelle est que nous sommes aimés de Dieu, bien aimés de Dieu. Et quand Dieu aime, il répand sa bénédiction sur ceux qu'il aime. Il prend soin de ceux qu'il aime. Deuxième privilège, nous sommes appelés saints. Nous sommes les bien-aimés, et nous sommes saints. Nous sommes saints. Vous dites, parce que tu ne me connais pas que tu dis ça. Bien, je vous connais assez bien pour savoir que si vous êtes des croyants, vous êtes saints. Qu'est-ce que ça signifie être saint? Ça signifie d'être mis à part. D'être mis à part du monde pour Dieu. Nous sommes saints, nous sommes mis à part pour Dieu, mis à part du péché pour Dieu. Nous sommes appelés à vivre de cette façon maintenant. Verset 7 nous dit « Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. » Vous savez quoi? Les seules personnes qui peuvent obtenir de telles bénédictions sont ceux qui sont bien-aimés de Dieu, appelés de Dieu, mis à part par Dieu, sanctifiés par Dieu. Nous sommes les seuls qui peuvent recevoir cette grâce. Les seuls qui peuvent expérimenter la paix, la grâce et la paix, verset 7. C'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne la grâce. C'est Dieu qui donne la paix. Ça provient de lui. C'est lui la source. On n'a rien à faire là-dedans. Comprenez-vous? quel immense privilège nous avons en tant que croyants d'être bien-aimés de Dieu et d'être appelés saints par Dieu, pas par les hommes. Et pas, on ne passe pas par la canonisation ici. On est appelé saints directement de la part de Dieu. Nous sommes faits saints par Dieu, mis à part pour lui. Ça fait partie de la bonne nouvelle, ça. Finalement, après tous les points qu'on a vus, je voudrais vous partager le but de la bonne nouvelle, qui est probablement le plus important des points. Nous les avons tous vus, sauf le but. Pourquoi le prédicateur prêche-t-il? Pourquoi la promesse a-t-elle été faite? Pourquoi la personne de la bonne nouvelle est-elle venue? Pourquoi avons-nous reçu l'héritage de la bonne nouvelle, de l'Évangile? Pourquoi avons-nous expérimenté la responsabilité de la proclamation? Pourquoi Dieu a-t-il accordé les privilèges pour une seule raison? À la fin du verset 5. En son nom. Pour son nom. Ça signifie que tout se focalise, tout se concentre sur la gloire de Dieu. Pour lui. Les gens doivent être sauvés. Pourquoi? Pour les garder hors de l'enfer? C'est secondaire, ça. Pour qu'ils puissent expérimenter l'amour de Dieu? C'est secondaire, ça aussi. Pour qu'ils puissent aller au ciel? C'est secondaire. Pour qu'ils puissent avoir en Dieu un guide dans leur vie? C'est secondaire, tout ça. Les gens, si les gens doivent être sauvés, c'est pour la gloire de Dieu. Parce que c'est un affront à lui-même, c'est un affront à sa sainte nature qu'on puisse vivre dans la rébellion contre lui. C'est de sa gloire dont il est question ici, rien d'autre. C'est pour lui, pour sa gloire. C'est ce qui est important. C'est ce qu'on doit retenir. C'est la raison d'ailleurs pourquoi Dieu fait toutes choses, pour sa gloire. Dans Philippiens chapitre 2, verset 10, il est dit « Tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. » Que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. Amen. Le salut est pour sa gloire. L'Évangile, c'est pour sa gloire. Paul nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 15, « Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce de Dieu, en se multipliant, fasse abonder la gloire de Dieu. » À la gloire de Dieu. La raison pour laquelle nous voulons vous apporter le salut, nous dit Paul, c'est pour que vous puissiez louer la gloire de Dieu et ça devrait être notre raison, nous aussi. Oui, les gens doivent être sauvés. On veut qu'ils soient sauvés. Mais pourquoi? Pour qu'ils puissent louer la gloire de Dieu. Ça devrait être notre but. C'est la raison pour laquelle nous avons été créés, frères et sœurs. C'est le but de notre vie. Vous êtes-vous déjà arrêté là-dessus? La raison pour laquelle j'existe, c'est pour Dieu. C'est pour sa gloire. Je suis là pour lui, pour le glorifier. Dieu m'a créé pour ça. Voyez-vous, Dieu est glorifié lorsqu'on croit à son évangile, à sa bonne nouvelle. Dieu est glorifié lorsqu'on aime son Fils. Dieu est glorifié lorsque vous acceptez son diagnostic sur votre péché et sur votre besoin d'être sauvé, d'entrer en relation avec lui, de le connaître. Dieu est glorifié lorsque vous le recevez dans votre vie. Dieu est glorifié lorsque vos plans deviennent ses plans, que vos pensées deviennent ses pensées, deviennent communes. Nous vivons et existons pour la gloire de Dieu, frères et sœurs. Quel merveilleux privilège! N'oublions jamais cela. Et voilà, nous avons fait le tour. La bonne nouvelle vient de Dieu. C'est l'Évangile de Dieu, verset 1. Elle a été prêchée par le prédicateur, promise dans l'Ancien Testament, personnifiée en Jésus-Christ, pourvoyant la grâce et l'apostolat et le service, proclamée par ceux qui bénéficient des privilèges éternels, et tout ça dans un seul but, de glorifier Dieu. Et je sais, avec certitude, parce que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire, que Dieu va être glorifié dans votre vie à mesure que vous allez répondre à cette bonne nouvelle et que vous allez la proclamer tout autour de vous. Courbons-nous dans un mot de prière. Seigneur, ma prière sera courte. Aide-nous à faire toutes choses pour ta gloire. aide-nous à comprendre que nous sommes ici sur la terre pour ta gloire, que nous avons été créés pour toi, pour ta gloire. Aide-nous à te glorifier, Seigneur. Amen. Et je vous souhaite bonne semaine et à la prochaine.